suffocation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween Town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants every word. À toutes et toutes, la tribu, bienvenue dans la Vampire Freaks. C'est la 107ème et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Et c'est la nouvelle année. Salut, salut la tribu, comment allez-vous? Moi ça va nickel, l'année commence à fond la caisse. C'est la 107ème, c'est Vampire Freaks, c'est Spike. Et je vous souhaite des meilleurs vœux pour 2018. On commencera tout de suite avec de la nouveauté, oui, parce que cette émission est placée sous le signe de la nouveauté. Donc, comme je disais, on commencera tout de suite avec Lights Out, le nouveau Royal Blood. C'est sur l'album How Did You Get So Dark, leur deuxième album sorti le 16 juin 2017. On retrouve I Only Lie When I Love You, Where Are You Now et How Did You Get So Dark. Allez sur la page Facebook de Royal Blood, ils sont aussi sur toutes les plateformes légales. On continuera avec une autre nouveauté, À ma cabane de La Mêlée, c'est sur l'album Grabuge, sorti le 1er novembre 2017. C'est leur premier album des Belges. On retrouve 100, Merci Patron et Aberration. Allez sur la page Facebook de La Mêlée, et ils sont aussi sur Bandcamp, et je pense qu'on va les voir bientôt sur Deezer, enfin les plateformes légales quoi. On continuera avec une autre nouveauté, Sweet Foot de Zit Band, c'est sur l'album No Loose Behavior, sorti en 2017. On retrouve Into the Wide. War Machine, allez sur la page Facebook de Zit Band. On continuera avec un grand classique, You Can Get If You Really Want de Desmond Dekker. C'est aussi le titre de ce superbe album sorti en 1970. On retrouve I Believe, Perseverance, Peace of Mind, entre autres du reggae culte. Et on finira ce bloc en live avec Danger Zone de Liaron. C'est sur le Live in London sorti en 2011. On retrouve Evil Game, Hot to Be Rocked et Metal Queen notamment. My eyes are still burning.

succeed at last. Don't you know me? Listen, Rome was not built in a day. Opposition will come your way. But the hotter the battle you see, is the sweeter the victory. You can get it if you really want. Succeed at last. Yeah, you can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try. Succeed at last. Don't you know it? Don't I show you? Don't you know? Just a kid. Vous êtes toujours dans la 107e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Lights Out, le nouveau Royal Blood, Amakaban, le nouveau Alamele, Sweet Fruit, le nouveau Z-Band, You Can Get If You Really Want de Desmond Dekker et Danger Zone en live de Liaron. On continuera cette émission toujours sous le signe de la nouveauté avec Pas Bien Né, le nouveau Spread Like. C'est sur l'EP d'hier et à aujourd'hui, un EP 5 titres sorti le 25 février 2017. On retrouve Désolé, L'Autre Rive et Rock'n'Dollar. Allez sur la page Facebook de Spread Like, ils sont aussi sur Bandcamp et YouTube. On continuera avec The Song Remain the Same de Led Zeppelin. C'est aussi le titre de l'album live de 1973. On retrouve Rock'n'Roll, No Quarter, Stairway to Heaven, etc., etc. Du son culte. On continuera avec Mapo, Danso M. C'est sur l'EP 5 titre Dans des artères, sorti en 2015. On retrouve Je cours et je marche au pain, Dans des artères, Je ne veux pas être seul, en duo avec Louis Bertignac et Sous X. Allez sur la page Facebook Dansom, ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. On continuera avec une autre nouveauté, Vlad, le nouveau King Kong Blues. C'est extrait d'un album à paraître. On retrouve Blackfoot, Ma Sœur et Le Loup. Allez sur la page Facebook de King Kong Blues, ils sont aussi sur Bandcamp. Et on finira ce bloc en live, avec License Fee Kill de Linton Quincy Johnson. C'est sur l'album Live à Paris, sorti le 30 novembre 2004. On retrouve The Eagle and The Bear, Sonny Sletta, The Great Insurrection, un des pères fondateurs du style dub, plus de 45 ans de carrière et toujours actif. Je fonce la tête baissée. Je tire sur les réseaux, les idées qui me font.

fi ask Maggie Thatcher about the license fi kill. And you can ask John Major about the license fi kill. If you ask Michael Howard about the license fi kill. And you can ask Jack Straw about the rule of law. If you ask Tony Blair if it is a wear or care about the license fi kill that plenty police feel them gone. Qu'est-ce que c'est bon ça, Linton Cozy Johnson. Vous êtes toujours dans la 107ème Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Pas Bien Né, le nouveau Spread Like, The Song Remain The Same, le son culte de Led Zeppelin, Mapo de Hans Oem, Vlad, le nouveau King Kong Blues, et on a fini ce bloc en live avec License Fee Kill de Linton Cozy Johnson. On continuera cette émission avec Pourri Gâté de Jim, c'est sur l'album Incandescence, sorti le 28 septembre 2015. On retrouve Jamais de Trêve, Je cherche à m'endormir et Adrénaline. Allez sur la page Facebook de Jim, il est sur Bandcamp et YouTube. On continuera avec Natural Me de Ghost, c'est sur l'album Meliora, sorti le 21 août 2015. C'est leur troisième album. On retrouve Spirit, Mummy's Dust et Devil Church. On continuera ensuite avec une autre nouveauté, Comeback, le nouveau Hangover, c'est sur l'album Comeback, sorti en 2017. On retrouve The Same, Lemmy et Hangover. Allez sur la page Facebook de Hangover, et ils sont aussi sur Bandcamp. J'adore leur son, faut les suivre de très près. Un autre groupe à suivre de très près aussi, c'est Rock the Place de Cuff Fax. C'est leur premier EP éponyme. On retrouve This Is Not True, Rock the Place et Dans Nos Vies et Razor Die. Allez sur la page Facebook et toutes les plateformes légales. Et on continuera et on finira ce bloc en live avec Jumping the Gun de Meatloaf. C'est sur l'album Bad Attitude, sorti en novembre 1984. On retrouve Modern Girl, Nowhere Fest et Piece of the Action. Un classique de chez Classique. Yeah. take me in turns, internally. When I'm on fire, my body will be forever yours, nocturnal me. In an ice-capped fire of burning wood, in a world of wire, ignite our dreams of starry sky. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. You wanna get it? I can't get it. Can't get it now. Wanna rock now? When we dance, sorrow. So full, so full. I can't see where the bottom. With my mother in my head. Not good, I'm afraid. What happened with myself? I just keep the pain. Right now. Set a fire. Set a fire. Right now. Light a fire. And blow. Wind back. Lay down and go, yo. I went in back. Put a joke in time, yo. To feel like I went right. Just a joke. Let's go, across the fucking line. We cannot walk with fake. We will rock the place. We'll rock the place. Let's rock the place. We'll rock the place. This fucking place. Place. The place. Said, girl, this time we're jumping the gun. You think we're going too fast? Ain't seen nothing. qu'est-ce que c'était bon ça, Meatloaf en live. Vous êtes toujours dans la 107ème Vapeur Freak, c'était Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Pourri Gâté de Jim, Nocturnal Me de Ghost, Comeback, le nouveau Hangover, Rock the Place, le nouveau Cuff Fax. Et on a fini ce bloc en live avec Jumping the Gun de Meatloaf. On continuera cette émission avec une exclue, une nouveauté, c'est magnifique. C'est Die de Kraken, c'est l'album Book 1, Vengeance, sorti le 27 décembre 2017. On retrouve The Reign of the Chaos, Merchon et Grim Memories. Allez sur la page Facebook de Will Kraken et n'hésitez pas à télécharger l'album sur Bandcamp. Un magnifique album du gros son, gros, excellent. Bravo à Will, il a mis du temps, mais il a fait un super album. On continue avec une autre nouveauté, Bring Me Down de Noidem. C'est sur l'EP 5 titres, A Time Will Come, sorti dernièrement. On retrouve Welcome Home, Bring Me Down, Stay, You're the Self et A Place to Live. Un magnifique EP. Allez sur la page Facebook de Noidem. Ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. D'ailleurs, ils ont fait un super clip pour Welcome Home sur fond de garage et de friche industrielle. Un magnifique clip. On continuera avec une autre nouveauté, Bobo de le nouveau Control Tower. C'est sur l'EP 4 titre Bienvenue dans le quartier, sorti en 2017. On retrouve Bobo, Votez pour moi, Comment faire. Est-il et écoute, allez sur la page Facebook de Control Tower, ils sont aussi sur Bandcamp et YouTube. On continuera avec une, oh, c'est plus tout à fait une nouveauté, mais bon, j'ai l'album depuis pas longtemps. Daouda Sané de Tomso, c'est sur l'album Capital, sorti en 2015. On retrouve Capital, Toy Toy et Wactan, pardon. Il a une page Facebook pour commander le CD, vous n'avez qu'à lui demander, il vous l'enverra sympathiquement. Moi, il me l'a amené à la main. Bon, il faut dire que c'est un mec de chez moi aussi. Bon. Et on finira ce bloc en live avec un de mes sons préférés de ces derniers temps. Quand j'ai vu ses fesses de Elmer Footbeat, c'est sur l'album Live en public avec des gens dedans, sorti en 2016. On retrouve À Poil les filles, Est-ce que tu la sens, Daniela et tous les autres classiques de Elmer Footbeat. Ça fait plaisir de voir que ça remarche pour eux. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Brahima, Sona. Bienvenue dans le quartier. Aramina, Kharike. Eva, toutes les têtes ramées, les têtes ramées. Chez moi y'a trop de bobos, dépoussé ta grosse roue poussée par des maliennes. Chez moi y'a plus de popos, les pauvres populaires pour nous la fin du règne. Chez moi y'a trop de bobos, des charlories et mille élevés par des maliennes. Pour eux y'a plus de bobos, plus de derniers de la classe qui leur faisaient passer une sale semaine. Petit y'avait toutes les couleurs, dans les mêmes immeubles, dans les mêmes classes. Des sourires, des bruits, des odeurs, plus besoin de lutter, y'a plus qu'une classe. Le quartier a changé de saveur, tout est bio, mais le goût fadas, fadas. Sans OGM, sans haut les cœurs, des sentiments moyens en grande surface. Chez moi y'a trop de bobos, dépoussé ta grosse roue poussée par des maliennes. Chez moi y'a plus de popos, les pauvres populaires pour nous la fin du règne. Chez moi y'a trop de bobos, des charleries et mille élevés par des maliennes. Pour eux y'a plus de bobos, plus de derniers de la classe qui leur faisaient passer une sale semaine. Black à des boulangeries façon tradition, des chaînes de bouffe rapide pour la restauration. Ali Abdelaz m'ont appelé Collignon. Y'a plus de saison, y'a plus de raison d'être nostalgique de quand j'étais petit. On nous vend du typique, les gens n'ont pas compris que quand j'étais gamin, cela n'était pas ça. Des villages Disneyland, sponsorisé Nova. Des poussettes à grosses roues poussées par des maliennes. Chez moi y'a plus de popos, Les pauvres populaires pour nous la fin du règne. Chez moi y'a trop de bobos. Des charloriers mille élevés par des maliennes. Pour eux y'a plus de bobos, plus de derniers de la classe qui leur faisaient passer une sale semaine. Chez moi y'a trop de bobos. Piétonne pour ce vivant là. Mais le week-end venu direction Côte-Bretonne, y'a plus personne, à quoi sert tout ça? Plus de locataires, je ne sais ça génère, mais des mères quarantenaires devenues propriétaires et qui profitent de la rue. Personne, personne, personne. Chez moi y'a trop de bobos. Mais poussés à grosse roue poussés par des maliennes. Chez moi y'a plus de bobos. Les pauvres populaires pour nous la fin du règne. Chez moi y'a trop de bobos. Des charloriers mille élevés par des maliennes. Pour eux y'a plus de bobos, plus de derniers de la classe qui leur faisaient passer une sale semaine. Hugo Maëlys, Victoire Charles et Émile Collin, je n'ai rien contre vous, mais écoutez-moi comme un frangin. Quand j'étais petit, cela n'était pas ça. Toutes ces têtes cramées manquent au quartier et me manquent à moi. When I see her face, I'm a believer. On t'a reconnu. Vous êtes toujours dans la 107e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Die, une exclue de Kraken, Bring Me Now, le nouveau Noidem, Bobo, le nouveau Control Tower, Dauda Sané, le nouveau Tomso, et Quand j'ai vu ses fesses de Elmer Footbeat. On continuera cette émission avec Take a Leaf de Jacob Miller, c'est sur l'album Mixed Up Moods, sorti en 1980. On retrouve Mr. Officer, Jolly Joseph et Easy Toir, un classique de chez classique. On continuera avec Touch Me de Doors, c'est sur leur album The Soft Parade, leur quatrième album sorti le 18 juillet 1969. On retrouve Tell All the People, Shaman's Blues, Wildside et Soft Parade, du son culte. On continuera avec du très bon son, A Little Way Different de Matthew McAnuff, c'est sur l'album Be Careful sorti en 2013. On retrouve Jabless, African Chanting et Be Careful. On continuera ensuite avec À ma façon de La Chose, c'est sur l'EP six titres Vidaloca sorti le 29 janvier 2016. Apparemment, ils vont enregistrer un truc. On retrouve Vidaloca, À ma façon, En guerre et Faut pas lâcher l'affaire et Comme un pavé dans la mare. Comme un pavé dans la mare, faudrait que je la rediffuse celle-là. Allez sur la page Facebook de La Chose. Ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. Et on finira ce bloc en live avec Sunday de Iggy Pop. C'est sur l'album Post-Pop Depression Live, son 18e album sorti le 18 mars 2016. On retrouve Gardenia, Lost for Life, The Passenger et Sister Midnight, entre autres. Un classique. Her. I don't smoke all her. Sense me like a long joke. I sneak up it. I even smoke for sure. Me a tell you for me. Take a lip off my split now. Take a lip and that's for sure now. Take a lip off my split now. Take a lip and that's for sure now. Smoke one.

À l'attentat, j'ai le système en joue. Trop de militaires, peu de professeurs. C'est la réponse de nos oppresseurs. Crash ton blesse, c'est ça. J'sais pas qui vide les caisses, mais l'idiot qui paie, c'est toi. Et c'est pas une promesse, allez, fais le mort, ne bouge pas. J'sais pas qui mène à la danse, mais l'idiot qui suit, c'est toi. Et t'as pas l'air en transe, non. Sur le fond, puisque sordides sont nos horizons, moi je me bats à ma façon. L'encre et la plume ont remplacé la poudre et le canon. Puisque l'argent a tenté la vertu, puisqu'emporté par le vent sont nos héros déchus, moi je me bats à ma façon. L'encre et la plume ont remplacé la poudre et le canon. Esclaves des apparences qui bien souvent sont trompeuses. On le sait mais on s'en tape, on rêve de faire grimper le buzz. On s'accroche à des branches que le vice a scié. Faudra pas s'étonner un jour de voir nos fils vaciller. Dans la noirceur de nos esprits, quand l'avidité régit nos besoins. Dans le fond de la nuit, l'homme n'est plus loup mais assassin. Stop ça. J'prendis le micro comme d'autres ont brandi le fusil. J'écris quand je le vois tous prêts à péter un fusible. Prime antimatrice, phase émissive, antiseptique. Vista anticipatrice, le troupeau reste sceptique. Whatever comme tiré d'ici, la peste infeste le vice. On a tous faim mais tu sais bien que la paix t'y divise. Pour t'y ban un regard des clous, tous prêts à finir au trou. Et surtout pas sur la faille à se trouver sans un sou. I'm not sure, I'm not sure. Ah. position like a wreck. I'm sinking fast. The key to everything I crawl for Sunday. Again.